les larmes tout s'oublie. Des oiseaux bariolés dans le ciel de Pologne, les cahiers d'écoliers et l'amour que l'on donne tout s'oublie. Les maisons où l'on vit, les amis de passage, le chagrin et l'ennui, les merveilleux nuages tout s'oublie. La passion, la colère, les je t'aime, les adieux, les jours d'anniversaire, le désir dans nos yeux, tout s'oublie. Le plus mort de mes morts est l'enfant que j'étais. Et demain est encore un jour, un imparfait, tout s'oublie, tout s'oublie. Chemin dans le sud où j'ai laissé des traces, tout s'oublie. Les victoires, les défaites, les plaisirs et la peur, la chanson du poète et les frissons du cœur, tout s'oublie. Le plus mort de mes morts est l'enfant que j'étais. Et demain d'un été, les instants immortels, les serments d'amitié comme la femme la plus belle, tout s'oublie. Le plus mort de mes morts est l'enfant que j'étais. Et demain